Ici Maxime Coutier. Aujourd'hui, l'histoire, l'homme rouge, son éminence, le cardinal de Richelieu. Ce peuple comblé par la Providence adore se retourner contre lui-même. Les Parisiens veulent en rester au Moyen-Âge et ils n'y resteront pas. Les Normands ne veulent plus payer d'impôts et ils les paieront. Les capitaines ne veulent plus faire la guerre et ils la feront. Les écrivains négligent les règles de l'Académie et ils les observeront. Les princes et les grands veulent un roi pour eux seuls. Et il sera le roi de tous. Extrait d'un téléfilm Richelieu de Jean-Pierre Decour, série télévisée de 6 épisodes diffusée en 1977 sur TF1. 6 épisodes, 6 heures à l'époque pour raconter la vie de l'homme rouge, cardinal, ministre, homme de foi et d'épée, dévoué entièrement à son roi, Louis XIII, avec qui il forme un duo redoutable, craint de tous, détesté par la noblesse. Il incarne la grandeur de la France, ses monuments, ses institutions. C'est aussi un homme de lettres, un bâtisseur, un géant qui va transformer la France du 17e siècle pour en faire une puissance. D'ailleurs, La Fontaine dira de lui, dira de ce cardinal qui tiendra plus de place dans l'histoire que 30 papes. C'était un ecclésiastique extrêmement intelligent, avec une volonté de faire, qui savait faire peur aux autres, et en particulier même au roi et à la reine. Et cette image est restée aussi bien chez Alfred de Vigny que chez Alexandre Dumas, est devenue presque un mythe de romantique. Maintenant, moi je dirais qu'il faut tout de même voir l'autre aspect de Richelieu, c'est que c'était un homme très lettré, qui avait un véritable don pour la parole, qui aimait écrire, qui était entouré de nombreux écrivains, qui a fini par créer l'Académie française pour les regrouper et même attirer au service de sa cause de nouveaux hommes de lettres. Alors, il a naturellement construit beaucoup. C'est quelqu'un qui avait véritablement de lui-même, de son autorité, mais aussi de l'autorité du roi, l'idée qu'elle devait être illustrée visuellement par des œuvres imposantes. Propos de l'historien Marc Fumaroli, extrait de l'émission « Pourquoi pas dimanche » en septembre 2002. Il nous décrit ici un personnage plus grand que nature dont l'image a été fixée par la légende, entre autres Alexandre Dumas, bien sûr, dans « Les Trois Mousquetaires ». On le dit machiavélique, froid, insaisissable, tyrannique, mais aussi fin stratège, visionnaire. Les historiens ont fait la part des choses. Et pour en parler justement aujourd'hui avec moi, Jean-Charles Panton, historien, politologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. La France de l'époque de Richelieu, cette France donc du 17e siècle, ça ressemble à quoi? Alors, au début du 17e siècle, on subit encore, si vous voulez, les effets qu'a eu la terrible guerre de religion qui s'est déroulée pendant près de 50 ans, donc au 16e siècle. Alors, au début du 17e siècle, on commence, si vous voulez, à stabiliser un peu les choses, la situation intérieure de la France. Et c'est le roi Henri IV qui va, par l'édit de Nantes, pouvoir laisser, si vous voulez, laisser vivre en fait les protestants correctement dans le royaume sans qu'il y ait de guerre ou de bataille autour des deux confessions qui se retrouvent en France, soit évidemment les catholiques et les protestants. Mais Henri IV va être assassiné en 1610 et donc, à partir de là, va s'ouvrir une période de régence qui n'est pas, disons, favorable à l'autorité royale dans la mesure où c'est toujours une période où, par exemple, les grands, les nobles vont tenter de relever la tête et de gagner plus d'autonomie et d'influence au sein même du royaume. Donc, une période où la royauté comme telle est fragilisée. Et donc, quand Richelieu arrivera au pouvoir et quand Louis XIII prendra lui le pouvoir et relèguera sa mère, Marie de Médicis, au second rôle, eh bien, il y aura tout un travail de consolidation et de reconstruction à faire du pouvoir royal au sein même de la France. Oui. Son origine, c'est quoi? Est-ce qu'il était destiné à devenir comme ça, cardinal? Non, il n'était pas destiné à être cardinal. Dans les faits, Richelieu faisait un métier d'arme au départ. Et c'est parce que son frère, Alphonse, lui, décide de devenir moine et de ne pas assumer les fonctions d'évêque de Luçon que sa famille, qui ne veut pas perdre ce revenu et cette fonction-là, va demander donc à Richelieu de devenir évêque dans un premier temps, donc évêque de Luçon. Alors, il était destiné aux armes au départ, mais finalement, il va devenir évêque comme tel. Et il ne s'en plaindra pas dans ses mémoires. Il va souvent en parler. Richelieu, il va dire, bien, essentiellement, il avait, comme il avait une petite santé, le confort même des fonctions d'évêque correspondait mieux à celui du métier des armes comme tel. Donc, il va parvenir assez habilement à se frayer un chemin. On dit d'ailleurs de lui que c'est un orateur brillant, un fin lettré, un homme qui a un réel talent de négociateur, mais qui sait aussi naviguer à l'intérieur de cette cour du roi, quelqu'un qui n'hésitera pas d'ailleurs à retourner sa veste ou sa cape de cardinal. On va écouter à ce propos Daniel Turcotte, historien, un extrait donc du 21 février 2017 à l'émission animée par Marie-Louise Arsenault. Plus on est de fous, plus on lit. C'était un homme qui était dévoré par l'ambition. Il y avait une ambition, c'est-à-dire le pouvoir, mais surtout se servir de ce pouvoir-là pour faire de la France le plus grand pays du monde. Alors évidemment, Iva, c'était un têteux de premier ordre. Ça marchait déjà à l'époque. Oh, et ma chère enfant, un compliment pas attendu l'autre. Alors, il a séduit un tel, la reine-mère. Après ça, il a renié la reine-mère. C'était un prédicateur exceptionnel. Alors, évidemment, il va être invité à la cour. À un moment donné, il va y avoir une réunion qu'on appelle les États généraux. C'est lui qui va faire un discours là-dessus. Et là, tout le monde va faire comme, mon Dieu! Quel être brillant. Qui perle d'un pied. quel orateur. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il va s'attirer l'attention des puissants. Et à un moment donné, il va tomber dans l'œil de Louis XIII, parce qu'il va lui dire, si tu me suis, mon Louis, la France va devenir le plus grand pays du monde. Et c'est exactement ce qui va se produire. De deux façons, façon militaire et façon culturelle. Façon militaire, Richelieu va éliminer l'opposition protestante à l'intérieur du royaume avec le siège de La Rochelle. En 1627, la ville va être affamée, etc. Et ils vont se rendre. Donc, il détruit la puissance protestante. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que la France était entre le jambon, entre les deux tranches de pain, comme je dis toujours. Oui. Entre les deux pays qui étaient l'Espagne et l'Allemagne, dirigés par des Habsbourg, dynastie rivale. Et Richelieu va s'allier aux princes protestants. Richelieu, qui était un cardinal de l'Église catholique, va s'allier aux princes protestants contre le Habsbourg catholique. Et ça, ça va faire un énorme scandale, mais ça nous montre la modernité du personnage. Oui. Lui, la religion, c'était moins important que la politique. Il y a beaucoup de choses là-dedans, Jean-Charles Panton. Énormément de choses. Énormément d'éléments. D'abord, celui qui réussit à naviguer puis à se frayer une place auprès du roi. Le roi qui, d'ailleurs, au début, il n'aime pas beaucoup. Hein. Mais en fait, non, parce que Richelieu s'est allié à la reine-mère, à Marie de Médicis, qui, elle, on le sait, était la régente pendant près de 7 ans, et la régente qui ne voulait pas laisser le fils prendre effectivement le pouvoir. Donc, elle et son entourage, dont faisait partie Richelieu, tentaient d'écarter le roi de ses fonctions royales. Et donc, quand le roi lui décide, même il fait assassiner le premier ministre qui servait la reine, il le fait assassiner carrément, et donc il décide de reprendre le contrôle de l'État et assumer ses fonctions royales, Duplessis, il s'appelle Duplessis aussi, mais Richelieu va dans les faits de son vrai nom, va finalement être exilé, va être écarté. Et donc, non, Louis XIII n'aime pas du tout Richelieu. Il va même lui dire, ben, je suis enfin libéré de votre empire et donc je vais pouvoir, moi, régner à partir de maintenant. Et cette différence, ce différent important entre les deux va durer longtemps, si bien que Louis XIII, même en étant dans un contexte politique des plus difficiles, en ayant un premier ministre qui ne fait pas le travail à l'époque, qui s'appelle de Vieuville, va hésiter à appeler Richelieu, mais il connaît en même temps ses talents, il connaît ses talents de négociateur. Il sait que Duplessis, je reviens encore avec Duplessis, mais il sait que Richelieu, en fait, a tout un programme, et donc il le sait brillant, il le sait convaincant, et il va donc faire appel à Richelieu, et il va le nommer dans un premier temps ministre, et par la suite, il va devenir le premier ministre, le ministre principal, comme on dit à l'époque, de Louis XIII. Ouais. D'ailleurs, on dit que c'est presque une royauté à deux, c'est-à-dire que Louis XIII règne, Richelieu, lui, gouverne. Hein? Et il arrive là avec un plan qui est extrêmement ambitieux, il assoit son autorité. Un plan, donc, en trois phases, et je me réfère encore à Daniel Turcotte, l'historien, qui parlait de, d'abord, se débarrasser des protestants, mais aussi de la menace des Habsbourg. Bien, on l'a mentionné, la situation en France est difficile et la royauté elle-même a été ébranlée sérieusement. Alors, le programme principal de Richelieu, c'est de rétablir l'autorité royale, pleinement la rétablir, et d'instituer, de mettre en place un État qui est moderne, de fonder un État moderne. Et pour ce faire, il doit écarter évidemment les adversaires de cette autorité royale-là. Et donc, parmi ses adversaires, on retrouve les protestants que l'édit de Nantes a donné beaucoup de latitude et d'autonomie politique. Ils ont même des villes qui sont à eux. Et la capitale principale des protestants, c'est la ville de La Rochelle. Et donc, un des premiers éléments, une des premières choses que Richelieu va faire, c'est qu'il va évidemment s'attaquer à La Rochelle pour abattre cette puissance politique-là, comme telle des protestants. Il va assiéger la ville. Il va assiéger la ville avec, on se rappelle, je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire, une digue de 1600 mètres. C'est immense. On coupe la ville de tout le reste. Il faut dire que les protestants étaient beaucoup en lien avec l'Angleterre, qui intervenaient dans les affaires françaises. Et donc, évidemment, quand on veut consolider l'autorité royale, avoir une puissance étrangère comme ça qui intervient sur le territoire, c'est pas voulu. Donc, dans un premier temps, se débarrasser de la puissance politique comme telle des protestants au sein même du royaume. Dans un deuxième temps, ce sont les grands, ce sont la haute noblesse, que sont les ducs, les marquis, les comtes, qui, eux, sont toujours, veulent toujours plus d'autonomie, toujours plus de pouvoir au sein même de leur territoire. Et donc, Richelieu va travailler à les affaiblir constamment, notamment en leur enlevant toute forme de fonction liée au système politique royale. On va les retirer des postes de gouverneur. Il va même créer toute une, si vous voulez, une fonction publique, si on peut dire, avec les intendants dans chacune des provinces. Tout pour ça vise... Ce qu'on pourrait appeler des roitelets, là, des gens qui règnent dans leur petite partie de territoire. Le terme est bon, roitelets, c'est bien ça. Et donc, avec les intendants, la mise en place de cette fonction-là, de ces postes-là qui sont liés à l'administration royale, il va pouvoir atteindre ses objectifs. Il va aller très, très loin. Il va même faire guillotiner des ducs, ce qui, à l'époque, est quand même très choquant parce que c'est quand même de la haute noblesse. Il va se les mettre à dos, évidemment. Il se les met à dos parce qu'il aime mieux, Richelieu, faire appel aux bourgeois, il aime mieux faire appel aux gens qu'il juge plus fidèles et parfois beaucoup plus efficaces. Et en retirant des fonctions comme ça, la fonction civile du système royal, en l'enlevant aux grands, ces possibilités-là, évidemment, il crée énormément d'insatisfaction auprès de cette noblesse-là. Oui. Et il va s'attaquer aux puissants, et ça, on l'entendait encore, aux Habsbourg. Et ça, c'est pas rien, là, qui l'empire dominant en Europe à ce moment-là. Tout à fait. Alors, la France, elle est complètement enserrée par la puissance des Habsbourg. Ils possèdent l'Espagne, les Pays-Bas, ce qu'on appelle la Hollande à l'époque, l'Allemagne, des territoires aussi dans le nord de l'Italie. Donc, ils sont littéralement entourés et enserrés. L'Espagne, il faut le dire, qui a beaucoup financé pendant les guerres de religion les catholiques français. L'Espagne qui s'est jamais gênée d'intervenir dans les affaires françaises. Évidemment, le cardinal et le roi qui poursuivent une œuvre de consolidation de l'autorité royale vont vouloir chasser cette influence-là, mais aussi ramener la France comme un joueur de premier plan sur l'échiquier européen, c'est sûr. Oui. D'où donc cette volonté de redonner à la France sa grandeur ou en tout cas lui donner davantage de pouvoir à l'intérieur, au sein même de l'Europe. Alors tout ça, c'est guerre, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, des guerres justement contre les Espagnols et beaucoup, beaucoup de batailles. Pas toujours heureuse, d'ailleurs. Hein? Paris a même failli tomber. Oui, absolument. Et c'est un épisode qui est intéressant parce que c'est probablement le seul moment où on connaît la faiblesse de Richelieu. On le voit toujours assez solide, toujours, il contrôle toujours bien ses choses, il est toujours en pleine possession de ses moyens. Mais dans ce cas précis-là, c'est Louis XIII qui, lui, va sauver, parce qu'on pense que l'ennemi pourrait venir et envahir Paris, entre autres. C'est Louis XIII qui va se relever. Louis XIII, que certains dépeignent comme un roi plutôt faible, plutôt insignifiant, bien, c'est un roi qui, à ce moment-là, va se lever et qui va finalement sauver Paris. La guerre débute en 1635 contre l'Espagne, contre les Habsbourg. Elle est difficile dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il va y avoir des victoires importantes. Et Duplessis ne jouera pas que les armes, il va jouer aussi toute la diplomatie. Il va réussir à désolidariser le Portugal de l'Espagne, va réussir à travailler à l'indépendance de la Catalogne à l'époque. Donc, il arrive à affaiblir considérablement l'Espagne et donc les Habsbourg par le fait même. Oui, d'où son immense talent. On en revient toujours à cette image un peu machiavélique ou de négociateur. Évidemment, tout ça, on le disait, ça coûte cher, ça crée beaucoup de mécontentement. Il faut assurer une certaine croissance économique. Et pour lui, pour asseoir la puissance de la France, il est d'avis qu'il faut avoir une expansion colonial, dont ici, évidemment, en Nouvelle-France. À ce propos, d'ailleurs, on va écouter l'historien Marcel Trudel qui nous raconte les objectifs de Richelieu derrière la création de la Compagnie des Cent Associés à l'époque. Ici, c'est tiré de l'émission Au fil du temps, 17 mars 1994. Richelieu veut faire ce que l'Angleterre et les Pays-Bas ont fait. Il veut fonder une grande compagnie qui assurera un rôle prééminent à la France en Amérique du Nord. Il veut donc que la France occupe le plus possible de l'Amérique du Nord. Il veut dépasser ses concurrents anglais, hollandais et espagnols. Il veut assurer la grandeur de la France. Alors, pour assurer cette grandeur de la France, qui est encore le pays le plus peuplé, le plus puissant en Europe, Richelieu va fonder une grande compagnie qui va s'appeler la Compagnie des Cent Associés ou simplement la Compagnie de la Nouvelle-France. À cette Compagnie des Cent Associés, il va en faire quelque chose de gigantesque. D'abord, il y a 100 associés qui doivent déposer dans la compagnie au moins 3000 livres. Ces 3000 livres vont rester là. Et Richelieu va concéder, sur le papier évidemment, va concéder aux 100 associés tout le continent nord-américain, depuis le pôle Nord, s'il vous plaît, jusqu'à la Floride. Rien de moins. Rien de moins, effectivement, on l'a dit. Hein, c'est quelqu'un qui est dévoré par l'ambition. La Nouvelle-France, pour lui, est-ce que c'est important? Bien, la Nouvelle-France, elle fait partie d'un grand plan de match qu'il a. Il veut faire un peu comme à l'instar des autres grandes puissances impérialistes que sont l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Il veut constituer un empire. Il sait, il connaît l'importance de ces colonies-là pour amener des matières premières, notamment en métropole. Et donc, oui, c'est important pour lui. La Nouvelle-France l'est, les petites Antilles, Saint-Domingue, la Guyane, le Sénégal, tout ça, ce sont toutes des colonies qui sont importantes pour lui. Et ça, il faut le rappeler, ça se double aussi d'une volonté de créer une marine de guerre, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc, sa vision, elle est très orientée aussi vers le reste du monde pour consolider et donner à la France tous les outils dont elle a besoin. Alors, il y a Richelieu, évidemment, l'homme d'épée, l'homme de foi, le fin stratège. Il y a aussi l'amoureux des lettres, hein, l'amoureux des lettres, l'amoureux des arts, l'amoureux de l'architecture aussi. Il aime la pierre. C'est presque un promoteur immobilier chez lui. Il crée bon nombre de choses, la Sorbonne et l'Académie française, ce qui n'est pas rien quand même. Mais il y avait aussi un objectif politique derrière ça. De la même façon que politiquement, il tient à consolider l'autorité royale, c'est aussi assurer au roi et à lui-même par extension un rayonnement très important et la culture en fait certainement partie. C'est l'un de ses grands axes comme tel qu'il va défendre. Donc oui, l'Académie française, il est beaucoup porté aussi sur l'architecture. Il va faire construire le fameux bourg de Richelieu avec le château qui demeure encore aujourd'hui un chef-d'œuvre de l'urbanisme du 17e siècle. Donc oui, il est très, très proche et il l'utilise évidemment. Richelieu a toujours une idée en tête, a toujours un objectif à remplir. Il va l'utiliser dans le sens des intérêts de la royauté du roi et de lui aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on retient du personnage? Parce que d'abord, il fascine en France. Bon nombre d'ouvrages lui ont été consacrés, des émissions de télévision, des films. On parle toujours de ce personnage insaisissable, machiavélique, tyrannique, sanguinaire. Hein, l'homme rouge, oui, il y a la couleur de la cape, mais il y a ce rouge sang qui ressort souvent. Qu'est-ce qui relève du mythe et de la légende et de la réalité? Ben, ce qui relève du mythe, c'est que bon, la robe est rouge parce qu'elle est tachée de sang. Ça, c'est un peu mythique. C'est sûr que Richelieu a dû prendre des décisions. Il était là pendant 18 ans, il faut le rappeler. Il a régné pendant 18 ans, gouverné en fait sous le règne de Louis XIII. Et c'est sûr qu'il a dû faire des choix. Et c'est une époque qui est aussi très violente. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des batailles, il y a eu beaucoup de sang qui était versé à cette époque-là. C'est sûr et certain. Est-ce que c'est attribuable à Richelieu? Peut-être que c'est attribuable aux politiques qui ont été mises en place de cette reconquête-là du pouvoir, de l'autorité royale et aussi de nouvelles places que la France occupe ou occupera par la suite sur l'échiquier européen, c'est sûr. Mais Alexandre Dumas l'a dépeint un peu dans la mouvance même de l'expression ou de certains écrivains de l'époque, de contemporains de Richelieu, puis aussi, en fait, de ce que la population en pensait de cet homme-là qui, eux, ne voyaient que les taxes, ne voyaient que les impôts s'accumuler et tout. Pour eux, en ne voyant que ça, ne voyaient que le côté, si on peut dire, moins intéressant comme tel des politiques de Richelieu. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les historiens de notre époque ont beaucoup et de loin nuancé le portrait de Richelieu. On fait ressortir aussi ses côtés, ses faiblesses. On fait ressortir plus l'humain, disons, derrière les fonctions de ministre ministre qui l'occupait. Et là, on voit un homme qui était torturé, particulièrement parce que, entre autres, la relation avec Louis XIII est très, très difficile. Et Richelieu ne tient son pouvoir que d'une seule personne, en fait, que de l'humeur d'une seule personne qui est le roi. Et ça, ça l'amène dans des... Est-ce qu'il est plus grand que le roi? Est-ce qu'il domine le roi? Il est au service du roi? Il est au service du roi, toujours. Il fait très attention à ça. Mais Louis XIII n'est pas dupe de tout ça. Il voit bien que Richelieu a un immense potentiel, et c'est d'ailleurs pourquoi il en a fait son premier ministre. Donc, il y a une histoire de, on dit même à la fin, de haine entre Louis XIII et Richelieu, après les 18 ans au pouvoir qu'a occupé ce premier ministre-là. Et donc, une relation très difficile qui a un impact direct sur sa santé et qui lui rend la vie très difficile, et donc une fragilité aussi, et pas seulement une puissance comme il voulait bien qu'on le dépeigne par la suite. Oui. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il est extrêmement malade, là. Il ne peut plus marcher, on le porte. C'est un homme affaibli physiquement. Peut-être pas intellectuellement, oui, oui. Mais physiquement, et qui est détesté par la population. On dit même qu'à sa mort, on a fait des feux de joie un peu partout en France. Oui, ça relève de la légende? Ça reste à voir, mais c'est ce qu'on dit. Non, cet aspect-là ne relève pas de la légende. Ça dit un peu ce qu'on expliquait. C'est-à-dire que la population n'aimait pas cet homme-là, n'aimait pas Richelieu, ce cardinal-là. Et donc, oui, on a fait des feux de joie et on utilisait toutes sortes de quolibets que je ne reprendrai pas ici, mais qui étaient assez vulgaires à l'époque, en disant « bon débarras, bravo Richelieu, Richelieu est parti ». Mais si on regarde avec un peu plus de perspective historique tout le rôle qu'a joué ce cardinal-là, qu'a joué le cardinal de Richelieu, force est d'admettre qu'il a effectivement rempli l'objectif qu'il s'était fixé au plus grand bénéfice de Louis XIII et par la suite de Louis XIV qui va suivre. Oui. Est-ce que c'était un homme moderne, visionnaire? C'est un homme qui était moderne et visionnaire. On parle beaucoup du politique. Il l'était puisqu'il mettait en place véritablement un appareil moderne, au sens propre du terme, en créant des fonctions, comme on le disait, avec les intendants à la tête des provinces, etc. Et c'était aussi un homme qui défendait le Concile de Trente, donc assez progressiste aussi, parce qu'on en parle toujours un peu moins, mais c'est tout de même un cardinal, Richelieu. Oui. Et il a écrit beaucoup là-dessus aussi. Il a écrit plusieurs ouvrages théologiques. Et dans ses écrits théologiques aussi, il apparaît comme un progressiste. Vous dites que c'est un cardinal aussi. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Oui. Est-ce que c'est un homme de foi aussi? C'est un homme de foi. Encore là, il y a beaucoup à départager. On l'a souvent calomnié sur toutes sortes d'aspects qu'il ne met pas une vie nécessairement spirituelle très active, mais il faut dire que quand on est premier ministre d'un pays comme la France à l'époque, on a peut-être un peu moins de temps à consacrer, disons, aux œuvres liturgiques. Mais oui, c'est un homme qui a beaucoup écrit et qui avait une très bonne connaissance de la théologie et du Concile de Trente, entre autres. En tout cas, c'est un géant qui a marqué son siècle, et la preuve en est, on en parle encore aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup de passion chez des historiens qui s'intéressent à ce très, très grand personnage. Merci beaucoup, Jean-Charles Paneton, historien, politologue. Merci à vous. Voilà, c'était aujourd'hui l'histoire. Remerciements à l'équipe aujourd'hui. À la recherche, Caroline Morin, André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique, Tania Gancheva. Réalisation, Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie de nous écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur notre site Internet d'aujourd'hui l'histoire, ou bien en vous abonnant sur notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre, nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante. Histoire à commercial radio-canada.ca. Ici Maxime Gauthier en remplacement de Jacques Beauchamp. Merci, à une prochaine.